tu avais beaucoup trop bu. Tu disais des mots d'amour que je croyais durer toujours. Et puis tu as dissolu et j'ai vite déchanté. Les mots doulés, je t'aime, c'était de l'histoire ancienne. Pour que le feu reprenne et surtout pour qu'il tienne, matin dans le chocolat, je mettais un peu de vodka. J'arrosais tes tartines avec un peu de bibi. Dans ton orange pressé, j'ajoutais du saké. Du matin jusqu'au soir, la vodka au Ricard. En passant par le Bourbon, je te saoulais à fond. Et notre histoire d'amour a pu reprendre son cours. On passait nos journées dans le lit à s'aimer. À bientôt 60 ans. Et après 4 enfants, tu m'abreuves de chérie, je t'abreuve de chablis. On finira nos jours comme ils ont commencé, car on peut vivre d'amour et d'eau fraîche alcoolisée.